careca está outra vez. Esse malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Esse malhão é português, depois de dançar em careca está outra vez. Queres aprender esta moda a dançar? Basta sentires a batida e já podes começar. É a moda mais linda, como ela não há igual. É que toda a gente dança no norte de Portugal. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançar e querem dançar outra vez. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançar e querem dançar outra vez. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançar e querem dançar outra vez. Quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou eu.

Sinto falta da falta que me fazias. Sinto falta das noites que não dormias. E passava o tempo todo contigo a falar. Sinto falta de contar coisas que não sabias. De me contares como foram os teus dias. Sinto falta de me deitar ao teu lado. Sinto falta quando ouvias. Sinto falta de sentires a minha falta. Se chegava a casa cedo ou de madrugada e ligavas a dizer para ir devagar e mandar uma mensagem assim que chegar. Ficavas acordada até eu te avisar. Ficavas chateada se eu me esqueci. Rias-te depois quando te dizia que apenas não liguei para não te acordar. Esperei a vida inteira para te encontrar. Agora que chegaste não queres ficar. Se um dia sentes falta de gostar de mim, vou estar à tua espera no mesmo lugar. Esperei a vida inteira para te encontrar. Vou estar à tua espera no mesmo lugar. Sinto falta de me deitar ao teu lado. Sinto falta de te ver adormecer. Enquanto adormecias eu estava acordado e contava-te as histórias do meu passado. Ainda sorrias e olhavas para mim. Perguntavas afinal porque é que não dormi. Dizia que tive insónias mas não era assim. Fiquei a noite inteira a olhar para ti. Esperei a vida inteira para te encontrar. Agora que chegaste não queres ficar. Se um dia sentes falta de gostar de mim, estar à tua espera no mesmo lugar. Esperei a vida inteira para te encontrar. Estar à tua espera no mesmo lugar. Mas não fizeste esforço para ficar aqui. Não fizeste esforço para conseguir. Agora fico aqui sozinho a pensar em ti, a pensar em nós. Faz sentido eu ficar assim. Sentir a tua falta e tu não estás aqui. Tu não estás aqui. Sinto tanto a tua falta e tu não estás aqui. Esperei a vida inteira para te encontrar. Agora que chegaste não queres ficar. Se um dia procurares e não estiver aqui, é porque senti falta de gostar de mim. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Amigo, senta ao meu lado e conta-me histórias de então. Faz-me lembrar um passado, um tempo dourado que não volta não. Faz-me lembrar um passado, um tempo dourado que não volta não. Passado belo, florido, de amores, loucuras, banais, que não saem do sentido. Sonho vivido que não volta mais. Que não saindo sentido. Sonho vivido que não volta mais. Passado lindo, perto de um ai. Ontem sorrindo, hoje já lá. Nas páginas do meu canhanho, esse que nunca escrevi, só eu memória mantenho, lembranças de empenho que nunca esqueci. Só eu memória mantenho, lembranças de empenho que nunca esqueci. Saudades tenho de droga. As coisas próprias da idade, lembrando tudo isso agora, minha alma chora pela mocidade, lembrando tudo.

La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Messieurs, alors je vois sur un t-shirt, bonjour. Il y a marqué, non seulement tu hypnotises, mais tu es divin, parce que tu connais mon prénom. Oui, c'est vrai qu'on se connaît. Voilà, donc hypnotise avec 3S. Est-ce que je vais dormir ce que tu as dit ? 3Z. J'ai dit 3S ? Ouais. Tu vois, je suis pas encore chaud. Avec 3Z, bonjour. Alors, on reçoit aujourd'hui à notre stand pour quelques jours, pendant un petit peu toute la foire, okay. Voilà, hypnotise. Et je pense que Michel, oui, c'est ou Laurent, vous allez vous présenter, ça va être plus simple. Allez, vas-y Michel, à toi d'abord. Donc, je m'appelle Michel, je fais partie de l'association Hypnotise depuis un certain nombre d'années. Je pratique l'hypnose et le but, donc, c'est de faire... découvrir l'hypnose et faire plaisir aux gens et les emmener dans un état euphorique où tout le monde se sent bien. Ouais, j'ai vu quelques extraits il y a pas longtemps. Vous avez été dans un petit coin de l'Eure-et-Loire là-bas. Tout à fait. Et j'ai vu que c'était assez sympathique. Exact. On a le droit de donner le nom du resto ou pas? Bon, allez, on va le faire. Pas encore fané. Voilà, c'était du côté du département 28. On est à la foire, on va passer outre parce que on fait venir quand même pas mal de sociétés. C'était sympa, on a fait un petit spectacle, on a eu pas mal de bons réceptifs et puis les gens ils ont kiffé. Ouais, j'ai vu ça, il faut aller sur la page Facebook Hypnose, là ils ont des. Ouais, alors il a peut-être un. 1, 2. 1, 2. Ah on m'entend. Voilà, mieux. On est obligé de faire des tests micro, hein. C'est du direct, c'est du live. Et puis on a Annabella, donc qui est à la technique, là, elle se gratte la tête. Un petit peu. Je vous le déduis parce qu'on n'a pas l'image, donc on a au moins le son. Donc, quel dommage. Voilà. Donc vous faites de l'hypnose. Alors il y a deux. On fait de l'hypnose ludique au niveau de la SOS. Alors il y a de l'hypnose médicale, il y a de l'hypnose thérapeutique, puis l'hypnose de spectacle. Donc en fait, c'est fait pour faire découvrir le monde de l'hypnose et puis que les gens ils se rendent compte que ce qu'ils ont derrière les yeux, entre les oreilles, ça s'appelle un cerveau. D'accord. Et puis le cerveau, il est capable de tellement de choses. que ce serait dommage de s'en priver. Voilà, on peut le mettre en off ou on peut le mettre en on. En on. Mais là, on. Alors, une petite question déjà. Depuis combien de temps chacun pratiquez-vous l'hypnose? Et est-ce que vous êtes en strict hypnose de rue ou est-ce que vous êtes en même temps aussi thérapeute Alors, ben, alors pour ma part, moi, ça fait maintenant une dizaine d'années que je pratique l'hypnose, essentiellement l'hypnose de rue, c'est-à-dire on peut nous voir l'été sur les quais de Loire, par exemple, et avec l'association, on fait quelques spectacles, donc en général un grand spectacle tous les ans, puis à la demande, on fait des petits spectacles, comme on a fait samedi soir, dans les restaurants ou dans tous les lieux publics où on nous demande. D'accord, alors là, aujourd'hui, vous êtes prêt à... Travailler entre parenthèses sur la foire. Ah tout à fait, ouais. Là on est prêt, on est chaud bouillant, je sais pas. On est chaud bouillant. Alors tous ceux qui veulent, ils sont en train de finir leur repas. Là. Voilà, tout à fait. Pour ma part, Laurent, écoute, moi ça fait 10 ans aussi que je fais de l'hypnose et ludique et thérapeutique. D'accord. Donc c'est assez sympa de voir les gens qui viennent te voir. Jeudi après-midi, je vous aurai en. On ira un petit peu en plus en profondeur dans l'hypnose ici. D'accord, pas de problème. Alors, on a eu l'occasion de se rencontrer à différents endroits et ils sont venus notamment nous rendre visite à Arc-en-Ciel, au studio, pour parler un petit peu de leur travail, de leur passion, de leur plaisir. Et voilà, donc je vais prendre, comme je n'ai pas tout en tête, je vais prendre un petit peu l'anti-sèche. Donc, c'est une animation de rue donc en street hypnose. Donc un petit peu partout, hein, dans les endroits, bar, bowling, restaurant. Que ce soit du privé, du public, du caritatif, nous on se plie à la demande. En quelques mots, comment fonctionne l'hypnose en fait? Un petit peu à la manière d'une personne qui a entre 5 et 8 ans. Voilà, un petit peu comme un enfant, tu vois, qui est en train de jouer aux cow-boys, aux indiens, il est dans son monde. Et il a son cheval, il a ses revolvers, en tant qu'adulte, on a perdu cette capacité. Avec l'hypnose, on la retrouve, cette capacité. D'accord. Et c'est ça qui est bien. On retombe en enfance, alors. C'est pas qu'on retombe en enfance. Non, j'ai très bien compris, je te taquine, Laurent. En fait, vous prenez un petit peu, je vais pas dire possession, parce que ça ferait peur aux gens. La seule possession qu'on a, c'est... C'est une question, entre autres, mais le fait de faire ça, la personne reste quand même consciente, en fait, parce que c'est beaucoup la peur des gens qu'on prenne le dessus. Qu'on prenne le contrôle. Alors, on ne prend aucun contrôle. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déroule un fil d'Ariane, par exemple, et puis les gens, tant que ça leur plaît, ils le suivent, le fil d'Ariane. D'accord. C'est par exemple, si je te raconte une histoire sympa, tu vas l'écouter. C'est une histoire à dormir debout. Voilà, tout à fait. Oui, effectivement, on ne prend jamais le contrôle de la personne. Donc, le mot officiel, c'est un état d'hypnose, donc un état modifié de conscience que le cerveau adopte. Et on donne simplement des suggestions, et si la personne veut suivre la suggestion, parce qu'elle sera heureuse, elle le fait. D'accord. Donc vous êtes... Il y a donc des personnes qui sont réceptives, et d'autres qui ne le sont pas réceptives. Alors tout le monde est réceptif. Ah, c'est bien ça. Hein. Arrête de me regarder dans les yeux, parce que je vais... Je sais que t'as un petit boulot à faire derrière, donc il faut un minimum de sérieux. Non, mais on est tous réceptifs. La seule petite différence, c'est que on aimerait bien savoir à quel degré de réceptivité tu es, par exemple. D'accord. Et chaque test qu'on fait, tu vois, tu regardes tous les gens qui font de l'hypnose, ils te font faire des tests de réceptivité. Ouais, les tests de réceptivité, c'est juste fait pour savoir si au moment où on fait le test, la personne est suffisamment réceptive pour pouvoir aller plus loin. Alors aujourd'hui, on peut l'être et demain, on peut ne pas l'être. C'est même pas, on n'a même pas besoin d'attendre la journée. Hein. Oui, non, mais je veux dire, d'une heure à l'autre, ça change. Voilà. Le contexte y est pour énormément de choses. Et est-ce qu'il y a des personnes déjà qui vous ont dit avec moi, ça ne marchera jamais? Le dernier qui m'a dit ça, c'était celui de samedi soir, un petit jeune. Il me dit non, moi ça ne marche pas, je suis trop sceptique, je suis trop cartésien, je suis trop réceptif en fait. Voilà. Et donc je lui ai fait. Capté qu'il était... Non, je capte pas, moi je cherche pas à capter, je fais juste des tests et puis j'analyse derrière. Voilà. Donc les premiers tests, ça a été connaissait très très bien. Et puis dans la foulée, il a joué le jeu, il s'est retrouvé une marionnette. Et puis dans la foulée, marionnette, c'est tout à fait le mot. Ouais, ça se voit un petit peu sur Facebook aussi. Et puis en finale, il avait un petit peu envie d'arrêter de fumer. J'ai juste suggéré que l'odeur de la clope, ça sentait l'ammoniac, parce qu'il y a de l'ammoniac dans les clopes. Oui, bien sûr, tout à fait. Et l'ammoniac, t'en trouves dans les litières de chat, par exemple. Donc ça lui a permis de se dédouaner un petit peu de cette chose qu'il avait envie de. Depuis, il fait plus fonctionner le bureau de tabac alors. Ça, je peux pas te dire, c'est que de samedi. Le soir même. Il a vu tous les autres aller fumer, lui, il est resté à table. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? On va se revoir dans l'après-midi, on reprendra le micro un petit peu plus tard. D'autres. Alors c'est vrai qu'avec l'hypnose thérapeutique, on peut faire beaucoup de choses. Laurent a parlé de l'arrêt du tabac, mais vous savez maintenant que on aide les chirurgiens dans les hôpitaux. Pour préparer les opérations et surtout aussi pour le réveil après une opération. Donc pour les anesthésies effectivement. Et donc c'est vraiment un état où on est relax, où on se sent très très bien. Et donc on peut faire aussi d'autres. La gestion de la douleur, la gestion du sommeil, toutes les phobies. On peut faire énormément de choses. Donc on fait énormément de choses avec l'hypnose thérapeutique. Un autre versant est aussi l'hypnose de relaxation, quand on est stressé. On en a tous besoin, tiens, d'ailleurs. Il faut que les techniciennes soient relaxées. Non, le micro marche très bien, là. Ouais. Donc, et puis, bien sûr, l'hypnose de spectacle. Tout le monde connaît le nom de Mesmer, mais on fait aussi bien et on fait aussi rigolo et on s'amuse bien. Voilà, et les spectacles sont peut-être un petit peu moins chers à l'entrée, non ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Tout à fait. Après, d'ailleurs, on nous voit régulièrement déambuler dans les rues d'Orléans, et ça, c'est totalement gratuit. Hein. Bien sûr. Sur toutes les animations caritatives, c'est gratuit. Toi, par exemple, ici, on est sur le stand de Radio Arc-en-Ciel, c'est gratuit aussi. Oui. Voilà. Tous ceux qui ont envie de tester ou même de nous poser des questions, ils peuvent venir. Voilà. Donc n'hésitez pas, on est donc à la foire d'Orléans, Foire Expo. On est situé au stand D26 à Arc-en-Ciel, avec deux charmantes secrétaires aujourd'hui, deux pour le prix d'une. Radio Arc-en-Ciel. Alors moi c'est gratuit. Oui, c'est juste à l'entrée de l'expo du Portugal, donc vous n'allez pas vous tromper. On est à côté de plein de choses du Portugal à droite, puis on a un bon stand de Miam Miam en face là. Flor de Dorvuga, je ne sais pas si je le dis bien. Si, c'est à peu près ça. Voilà, je ne parle pas du tout portugais, moi. Encore moins bien anglais, mais très, très peu le portugais pour l'instant. Voilà, écoutez, messieurs, on vous remercie. On peut vous retrouver éventuellement sur les pages réseaux sociaux. Ah oui, on est sur Facebook, sur Insta, sur TikTok. Voilà. Okay. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va. Donc, hypnotise avec 3 Z à la fin. 3 Z et pas 3 S, comme tout à l'heure. Écoutez, c'est parfait. De toute façon, on va vous revoir tout au long de la semaine ici sur notre stand. On remercie bien sûr Arc-en-Ciel de les avoir acceptés. Ça va faire un petit peu d'animation. On va les laisser un petit peu travailler. À vous les studios, Annabella. Reprenez la. Allez, musique. Musique. Roda, vira, vira e tu vais à tua vida. Mas eu sei.

Portugal é o mundo no coração. O folclore ao fado, cheios de tradição, com alma valente, um sonho sem fim. Onde eu estiver, Portugal é assim. Na brisa do mar ou no céu a brilhar, o teu nome é cruz que não pode cessar. Serras aos rios, tudo a brilhar nas cores da história. Vou navegar com vozes antigas que ecoam no ar. Portugal é o lar onde vou morar. Brisa do mar ou no céu brilhar, o teu nome é cruz que não pode cessar. Cambareia e um beijo. Lisboa.

Senhor, dizem que são só o fruto do amor. Mas cá para mim não há fruta igual. Só o marmelo é a fruta sexual. Qual é o fruto do amor? É o marmelo. Nossa terra, na cidade ou na serra, há um fruto que desponta. Os maduros, os verdinhos, mostram todos os biquinhos e alguns andam à solta. E é por isso que vos digo, acreditem meus amigos, que esta fruta bem prendada tem sabor e é bonita, basta aquecer um pouquinho, faz logo marmelada. Qual é o fruto do amor? Spécial Portugal, donc Arc-en-Ciel Orléans 96.2, il est 15h35 et j'ai un monsieur à côté de moi que je crois que son prénom c'est marqué sur le badge, voilà, c'est pas le bon badge en plus, c'est pas ton prénom ça. Ah pardon, j'ai pas vu, Johan et Thierry, voilà. Alors là c'est Johan, et Johan il va nous parler de quoi? Johan, bonjour Johan, tu vas nous parler de quoi? Apparemment, il est... Attends, un petit problème technique. Il est muté, non? 1, 2, 3, ah, et voilà. Voilà. Donc, on va représenter, donc, Johan. Et tu vas nous parler de quoi, Johan? Tu es juste à côté de nous, mais je vais te laisser te présenter. Eh ben, moi je fais de la bière, je fais la brasserie des Carnutes. Alors aujourd'hui je suis seul, mais dans la boutique on est deux. D'accord. Deuxième brasserie du Loiret, créée en 2009. Ah oui, quand même. Deuxième en temps de... En grossant, en capacité depuis ou la en... création. De la création. Création. Deuxième en création, en temps de création. Ensuite, l'année dernière, en mars 25, on a repris une seconde brasserie. Donc aujourd'hui on présente deux gammes, une gamme très tradie, la gamme Carnutes. Et une gamme plus craft sur la gamme Oproc. Voilà. D'accord. Donc deux gammes principales. Parce que j'avais pas encore mon oreillette. Ouais, deux gammes principales. Une gamme tradie axée sur la céréale et une gamme plutôt craft travaille sur du houblon. Alors craft, qu'est-ce que tu as appelé? Ah, c'est des bières très aromatiques, fruits, travail de céréales un peu particulier, type seigle, avoine, blé. Et puis des houblons qui vont aller chercher des arômes assez surprenants Voilà, c'est, ce sont des bières avec, avec beaucoup de goût. Voilà, alors comment, moi je sais pas trop comment se fabrique la bière, parce que voilà, on aime bien boire de la bière, mais on voudrait savoir un petit peu comment ça se... En fait, faire de la bière, c'est un peu de la popote finalement. On mélange du malt local, parce que nous on prend notre malt à la malterie de Pithiviers, qui est à 20 km de Neuville-aux-Bois. Par des paliers de température, on arrive à extraire des sucres, parce que pour faire de l'alcool, il faut des sucres. Et puis après, l'aromatique, on va venir apporter des houblons dans ce moût. Et quand on va emmener tout ça en fermenteur, on va apporter des levures qui vont venir manger ce sucre et puis qui va nous sortir de l'alcool. D'accord. Alors vous mettez ça, je fais comme si je connaissais pas, mais je connais un petit peu. Hein, vous mettez ça dans une grosse gamelle. Une grosse marmite de 1000 litres. Voilà. 1000 litres, vous allez faire ce qu'on appelle un brassin. On commence par un empaillage, on fait un brassin. Sur la journée, c'est un brassin. On commence par un empattage. Ensuite, on fait une filtration. Alors, pour... Va doucement. Toi, tu sais, mais nous, on sait pas. Ah oui, l'empattage, c'est quoi? On fait un empattage, donc c'est-à-dire qu'on vient mélanger le malt à l'eau. D'accord. Un empattage dure à peu près 1h20, sur les différents paliers de température. Et puis ensuite, on va séparer le mou. On va séparer le mou de la drèche. D'accord. Donc on va la passer dans une cuve filtre. Ensuite, ce mou, on va le porter en ébullition. Parce que la drèche, c'est le résidu. C'est le résidu. Voilà, de malt, c'est ce qu'on enlève et qu'on extrait, et voilà. Qui servira peut-être à autre chose, parce que je suis là. Nous, on bosse avec un maraîcher et il le met dans ses champs. Voilà, donc drèche, en fait, c'est tout le résidu des graines, de l'orge. Qui reste une fois que ça a été entre parenthèses infusé. Une fois qu'on a enlevé tous les sucres dont on a donc besoin. Ça c'est la drèche, et il reste ça. Le jus, c'est-à-dire le mou, c'est un jus sucré. Voilà. Et de ce jus sucré, on va le faire bouillir, on va faire comme une pasteurisation finalement. D'accord. Et puis là, on va ça s'aboue à combien de à 100 degrés pendant minimum 1 heure, et puis on va apporter des houblons. Pour l'aromatique, pour l'amertume, selon les bières dont on fait. Alors, j'ai une petite question sur le houblon. Ouais. Tu le travailles comment, le houblon? C'est le houblon que tu as en fleur, que tu as en pâte? J'ai commencé à brasser, on le prenait en fleur. Et puis finalement, aujourd'hui, il est en pelée. On peut aller chercher le nom. En pelée, c'est plus facile à stocker. Ça prend moins de volume. C'est plus pratique pour nous. Voilà. Alors moi, je peux vous dire un truc. Si un jour, est-ce qu'on peut visiter ta brasserie? Ouais, on est ouvert tous les jeudis, vendredis de 14h30. Alors pas pendant la foire expo, bien évidemment, parce qu'on est là, mais du jeudi au vendredi de 14h30 à 18h30. Après sur rendez-vous, et puis on organise, parce qu'en fait mon associé est biérologue, zytologue, et on organise des ateliers dégustation avec visite, explication, puis surtout on finit l'après-midi par des questions de plusieurs bières. D'accord. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que là au niveau du stand, on va pas tout vous dire, parce qu'on est simplement là pour présenter un petit peu les entreprises et les collègues qui sont à côté, mais je sais qu'on les aura jeudi dans Didier & Co. Ouais, c'est Didier qui sera là jeudi. Ouais. Voilà. Il va venir plus précisément entre 14 et 17 heures sur 96.2 ici sur le stand juste à côté, et on va aller un petit peu plus loin dans la profondeur de la fabrication de la bière. Alors moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'invite tous les gens qui viennent visiter ta brasserie à goûter le houblon, parce que c'est très bon, ça reste en bouche. Le malt plutôt, je veux dire. Le malt, parce que le houblon à manger, le houblon, c'est quand même pas très bon. Non, mais effectivement, on fait déguster le malt. Je voulais que toute la France entière m'en veuille. On fait goûter le malt selon les différents tourillages, malt de base, etc. Là où ça, pour le coup, c'est super intéressant. Goûter du houblon, je te garantis, ce sera pas bon. Non, je sais, j'ai testé. C'est pas bon. J'ai testé chez tes collègues, hein, que tu connais bien. Et j'ai testé le houblon pour voir, parce que je voulais me coucher moins bête. Je peux vous dire que juste un petit morceau d'ongle. Ah, c'est pas bon. C'est amer. C'est hyper amer. Donc en fait, quand ils en mettent très peu. On en met très peu, voilà. Selon les houblons. Ouais. On vous donnera les recettes après en direct. Alors je vois que tu as plein de. T'as plein de bières, bien sûr, puisque tu es une brasserie. Alors on voit la Hop Rock. Ouais, la gamme Hop Rock, la gamme Carnut. Ah, ouais. Les deux. Alors le terme Carnut, il vient d'où? Et ben en fait la carnute c'était un à l'époque des Gaulois, c'était une forêt, la forêt des carnutes, qui allait du 78 au 41, passant par limite Montargis, Blois, etc. Moi je connais les carnutes en Marine de Loire, hein. Les gars de Main-sur-Loire, c'est les carnutes. Hein. Ouais, bah finalement on est sur les lieux quoi, c'est ouais, une voilà. Forêt qui était là, et puis finalement il y avait les carnutes étaient des gens qui étaient très attachés à leur terre, etc. Un peu comme nous finalement, et voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu peux rajouter sur cette petite interview flash éphémère? Tu as des choses à rajouter? Bah, le mieux, c'est de venir goûter au salon nos bières, quoi, finalement. Bien sûr. Tu es quel stand? E25, c'est ça. Voilà. Donc, allez, E25, pour vous repérer, il y a une grande poutre au fond, il y a marqué Z, en hauteur ZF04. C'est carrément... Alors pas du côté entrée publique, tram, c'est carrément à l'opposé. On est à la sortie de la visite parcours sur Lisbonne. Voilà, tout à fait. Juste à côté du stand Radio Arc-en-Ciel qui est situé juste à côté. Donc il n'y a pas de souci pour les trouver. Donc bah, venez leur rendre un petit peu visite. En plus aujourd'hui, bah, c'est calme. Donc on peut discuter tranquillement. Il n'y a pas trop grand monde un petit peu moins de monde qu'hier quand même. Oui, beaucoup moins. Ouais. Voilà, ouais, c'est. Mais voilà, on en profite un petit peu pour discuter avec les gens, pour rentrer un petit peu plus dans le mécanisme du relationnel. Voilà. Eh ben, écoute, en attendant, si tu as rien à rajouter pour aujourd'hui, je te remercie de cette partage flash. Et puis, je vais continuer un petit peu à ce que je prépare, c'est-à-dire mon émission, enfin l'émission directe que je vais faire à partir de 17h. Voilà. Allez, bien. C'était Didier, Radio Arc-en-Ciel 96.2 avec Johanna de la bière des Carnutes. Brasserie, micro-brasserie, hein, c'est ça, c'est une micro-brasserie. Brasserie artisanale, voilà. Très bien. Hein. Voilà, ok. Eh ben, merci à toi, grand plaisir. Merci à toi. Et puis, on va venir déguster les produits après, avec modération, bien sûr. Parce que modération, elle m'accompagne. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Mas toda a gente respeita quem não gosta de dançar. Yeah, yeah, yeah. Vai assim, vai, vai. E quem diria é que o destino nos tramava assim? Dois corações teimosos que tocam no mesmo tom. Enfim, tu e eu. Voltas a pintar a madrugada e um elétrico que a saudade desata. Subo à graça para te ver inteira, menina e moça de olhar cansado. Essa varina, essa costureira que coça a história no chile do fado. Nas vielas de Alfama a sussurrar, sinto o pulso do tempo a acelerar. Não há no mundo outro lugar assim, onde o rio se faz. Amar Lisboa é perder o norte, é encontrar a vida em cada esquina, é ter no peito um coração mais forte, que bate ao som da tua luz divina. Amar Lisboa, a cidade de luz, amar Lisboa, que é nosso luz, sete colinas a abraçar o céu. Amar Lisboa, o meu porto e o teu. Castanha, mistura-se com a brisa da maresia. Quem te conhece nunca te estranha, pois tens a alma cheia de poesia. Do Ero Alto até à Baixa Pombalina, cada azulejo conta um segredo. És majestosa, és a minha sina, onde o sol se deita sem ter medo. E nas vielas de Alfama a sussurrar,

ouve o som, o acordeão a puxar por nós, copos no ar, canecas na mão, toda a gente perde a voz. Cheira a sardinha e manjerico, eu chego cedo, fico até tarde, enquanto houver música e vinho, nunca irei ficar sozinho. Festa na aldeia, é noite popular, o povo canta, dança sem parar. Não vai parar. Vamos lá matar nossos desejos. Do mais novo ao mais velhote, toda a gente entra na dança. São o grupo Ritmos do Norte. A banda é boa, não se cansa. Pode abraçar, pode beijar, o que a gente pode. festa vai começar. O bicho é forte, forte, forte, forte. Ninguém segura, eu tenho a força e o poder. O bicho é forte, forte, forte, forte. Nada me para, eu nasci pra vencer.

única menina, quero curtir como eu adoro te sentir junto de mim. Vamos pra noite curtir o som, vou agarrar-te e morder o teu batom. Baila pra mim, sente a paixão, mexe o corpinho e desce, desce até ao chão. Baila pra mim, sente o prazer, mexe a cintura e desce, desce outra vez. Oi, olá, oi, oi, mexe a cintura e vamos, vamos remexer. Oi, olá, oi, oi, mexe a cintura e logo à noite olê, olê. Vem comigo, vamos curtir este som. Gracias. festa, festa na minha aldeia. Há festa, festa, festa na minha aldeia. Eu vou dançar com ela a noite inteira. Eu vou dançar com ela a noite inteira. Na Romaria já passou a procissão e vai agora começar o bailarico. Vou encontrar esta mulher na multidão, porque esta noite sozinho é que eu não fico. E com respeito vou pedir para encostar peito com peito e mão na cintura. Se ela quiser toda a noite ser meu par, depois da festa vai ser uma loucura. A festa, a festa, a festa na minha aldeia. A festa, a festa, a festa na minha aldeia. Eu vou dançar com ela a noite inteira. Eu vou dançar com ela a noite inteira. A festa, a festa, a festa na minha aldeia. A festa, a festa, a festa na minha aldeia. Eu vou dançar com ela a noite inteira. Eu vou dançar com ela a noite inteira. Respondeu baixinho, tenho vergonha de dar aqui. Vamos para casa e serei tudo para ti. Ela é envergonhada, mas lá em casa ela é safada. Nosso amor é tão bonito que até jantamos a cama. Ela é envergonhada, mas lá em casa ela é safada. Feitos um para o outro e com ela é tudo ou nada. Essa mulher só faz o que quer. Ela é um perigo, uma tentação. A sedução, ela é o meu castigo. Essa mulher só faz o que quer. Ela é um perigo, uma tentação. Pura sedução, ela é o meu castigo. É complicado viver assim, sempre a pensar quando será o fim. Eu digo que sim e ela diz não. Provoca para chamar minha atenção. Não vou negar que sou louquinho por ela, porque na hora H, como ela não há, parece uma atriz de novela. Essa mulher só faz o que quer. Ela é um perigo, uma tentação, pura sedução. Vazia, no correio as contas pra pagar. Vou na multidão, rostos que atropelam o meu dia. O meu sorriso vai e conta a mão. Hoje escolho. Sorriso, só pro teu dia melhorar. Será que vais negar? caminho, um outro olhar, dos mesmos passos, do mesmo lugar. Já não sou só, encontro. Oui, un, deux. Test, test micro, Didier, Radio Arc-en-Ciel, en direct du Parc des Expos. Voilà. Ça craque beaucoup. Je ne sais pas. Alors, on a quelques craquements, mais c'est les joies du direct. Hein. Voilà. Bonjour. Apparemment, tu ne fonctionnes pas non plus. Un, deux. Ah, ben voilà. Test, test, un, deux. Voilà. Eh bien, écoute, bonjour à toi. Alors, toi, tu t'appelles comment déjà ? Je m'appelle Enzo. Enzo, comme Ferrari, mais... Mais pas la Ferrari. C'est plutôt le Nougat, c'est ça ? Exactement. Voilà. Eh bien, écoute, bienvenue sur la foire, déjà, sur Orléans. Merci, c'est gentil. C'est le Nougat qui est fabriqué à Montélimar. Exactement, c'est ça. Voilà. Et ben bienvenue sur le stand de Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans. Je présume que tu connaissais pas la radio. Je connaissais de nom, c'est tout. De nom, ben, c'est déjà bien déjà. Voilà. Puis ben après pour l'écouter à Montélimar, il faut être sur internet. Hein. Ouais, ça fait un peu loin sinon, je pense. Ouais, voilà, tout à fait. Eh bien écoute, à toi de nous présenter un petit peu tes produits, ce que tu fais. Tu sais pas ce que je vais faire, Annabella. Je vais aller jusqu'au stand là-haut. Et puis tu vas me faire un petit signe, me faire faire un petit signe, voir si ça passe ou pas. Parce que voilà, on a des problèmes sur le live. Voilà, on va aller se déplacer, comme ça je vais voir en même temps les produits. Tu peux parler en même temps, hein, ça passe. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Donc on va aller, les nougats de Provence, la pâte de fruits, le pain d'épices, les confiseries artisanales françaises. Que de bonnes choses. Ah voilà. Et ben voilà, on est devant le stand. Alors moi j'ai la vue. J'ai bien sûr le goût, mais pas, je peux pas manger et en même temps parler. Ça va être compliqué. Mais on va faire ça tout de suite après. Alors, ben, parle-nous un petit peu de tes, parle-nous de tes produits. Alors, on est sur un nougat de Montélimar, fabrication artisanale, bien sûr, parce qu'il y a artisanal et industriel. Mais on est basé que sur de l'artisanal. On a plusieurs gammes. On a une gamme de classique, ce qu'on vend très bien, ce que tout le monde connaît en général. On a une gamme gourmande, on a une gamme fruitée. On a aussi des calissons, bien sûr, du nougat dur. Mais essentiellement du nougat tendre. Oui, vas-y, parle pas trop près du micro. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. On a aussi du nougat noir pour les connaisseurs. Différents types de nougat, beaucoup, beaucoup de choix, une trentaine à peu près. Voilà, oui, en effet, ouais, je vois ça, c'est achalandé. Mais je prendrai tout à l'heure une photo, on se prendra en photo, je mettrai ça sur ma page. Avec grand plaisir. Voilà, donc c'est la première année que vous venez au. Ça fait 3 ans qu'on vient sur la foire d'Orléans déjà. D'accord. Donc. Ça va, vous êtes satisfait. On est content, on aime revenir, on aime revoir les mêmes personnes, que ce soit client ou commerçant. Bien sûr, si on refaire la clientèle. Donc les nougats de Provence, est-ce que tu peux, bon ben voilà, je sais qu'il y a le maître nougatier qui est là, qui nous regarde, qui nous écoute, faut pas dire de bêtises surtout. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment se fabrique, alors tu nous donnes pas les secrets de fabrication, hein. Tu gardes la recette de grand-mère bien au coin, mais tu nous racontes un petit peu comment ça se fait. En fait, du nougat artisanal, la vraie recette, c'est une base de miel. Attends, je te coupe, j'ai entendu la vraie recette. La vraie recette de nougat. Ah, un petit accent. En fait, la vraie recette du nougat, de Montélimar, bien sûr. On est sur une base de miel de lavande, bien sûr, parce qu'on reste dans la Provence, dans la Drôme provençale. Ouais, je vois les champs de lavande, là, en photo, là, c'est magnifique. Exactement. En fait, on fait une meringue italienne, à base de miel, de blanc d'œuf, de sucre. On fait cuire ça, pendant un bon petit moment, bien sûr. Après, on y rajoute les amandes qui sont torréfiées ou non, les pistaches, c'est ce qu'on veut y incorporer en plus. D'accord. Après, on peut le faire cuire beaucoup plus longtemps pour avoir du dur, ou beaucoup moins longtemps pour avoir cette texture assez molle. C'est là que vient la texture et le côté dur ou le côté mou. En fait. Exactement. C'est juste le temps de cuisson qui va changer. Ça cuit à peu près à combien de temps ? En général, un nougat, c'est à peu près 8 heures. 8 heures de cuisson, pas pour un morceau, mais pour plusieurs morceaux à la fois. La base est cuite pendant 8 heures. Voilà. Alors là, je vois que tu as des. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle une meule. Mais bon, en fromage, on appelle ça aussi des meules. Si, c'est ça, c'est une meule. C'est des meules. Ça pèse combien, une meule comme ça ? Une meule, ça peut aller de tout type de poids. Ça peut aller même jusqu'à la tonne. À savoir, la Fabrique a été élue meilleur artisan nougatier et a eu le prix du plus gros nougat du monde, qui faisait une tonne. Oula. Mais en général, le nougat, une meule classique, c'est entre 12 kilos et 17 kilos. Ah, j'allais dire 20 kilos, donc j'étais pas trop loin. Donc en fait, vous êtes aromatisé un petit peu à tout au niveau des nougats. Vous faites un petit peu ce que vous voulez, enfin avec vos recettes bien sûr, mais voilà, exactement. Je vois de différentes couleurs, de différents composants, je vois des amandes. Celui-ci, c'est la quoi? La praline rouge, l'ancienne praline. C'est cucu la praline, comme on dit. Ouais, c'est ça, exactement. Alors ça, c'est le truc qu'il faut faire attention avec les dents. Voilà, la praline rouge, c'est très dur, par contre. Ouais, ouais, ouais, bah ouais. Si la base est tendre. Je me rappelle en avoir mangé comme ça, sans le nougat. Mais alors, bah là, donc, le nougat à la praline, celui-ci, il a quoi? Ça, c'est le royal. Ça, en base, on a la noisette, l'amande, la pistache. D'accord. Alors, allez, on va continuer. Celui qui est sur sa gauche. On a l'orange, de l'orange confit, bien sûr. On a du fruit rouge, du citron, de la crème de citron, bien sûr, qui est mélangée directement avec la base. Après, on a des classiques, le traditionnel, la recette ancestrale. On a la pistache intense, le royal, le nature, de la vanille. Et je vois même un nougat au caramel beurre salé. Caramel beurre salé, ça, je le vends très, très, très bien, effectivement. Mais voilà, il faut que je fasse attention à mon ventre un petit peu, parce que j'ai tendance à prendre du poids, moi, quand je viens à la foire. Vaut mieux manger peu, mais bon. Voilà, alors, qu'est-ce que je vois? Artisan producteur local recommandé par Table et Auberge. France et International 2023, élu meilleur artisan nougatier, voilà. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Exactement. En fait, l'artisan qui produit tous les nougats, bien c'est sûr. Le monsieur qui est là, là. Ah, non, ça non, du tout. Ça, c'est le maître, ça. C'est le maître ça, nougatier. C'est le maître du stand, mais pas le maître du nougat. Ah, d'accord, c'est le maître du stand. En fait, le maître gourmet, c'est notre maison. C'est le nougat à Montélimar, la fabrique. Ah, puis là, ça, c'est sympa, parce que je vois du nougat au M&M's. Ouais, il y en a pour les enfants, pour les grands-enfants. Eh ben ouais, bien sûr, oui. M&M's, Tagada, chocolat. Oh, là, je vois du nougat à la praline. Du zeste d'orange. On a rhum et raisin ici. Je crois que je vais rester là cette nuit, moi. Pécan caramélisé. Alors, on se situe au salon de la... Au salon. À la foire. Exposition. Ouais, salon de gastronomie, j'étais presque dedans, j'étais pas loin. Dans tous les cas, il y a de la gastronomie dans tous ouais, les cas. Ouais, bien sûr. Alors, vous êtes le stand de... Vous êtes situé où sur la foire? Tu sais qu'on a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent du Portugal, d'un petit peu partout en France, mais notamment sur la région d'Orléans. Et s'ils veulent venir te voir, il faut qu'ils arrivent à te situer. Alors, notre stand est magnifique. Il est violet, de toute façon. On ne peut pas le louper. Voilà. On est juste à côté du truck des chalets savoyards. Ouais, mais il faut les voir. Alors, dans une des allées centrales. On n'est pas très loin de l'allée centrale, en fait. Entre l'allée F et l'allée G. Il faut passer à côté de la Terre Basque et aller toujours tout droit. On sera là. On va aller voir les basques. On va aller voir les basques, bien sûr. Alors, on va passer du sucré au salé sans problème. On va venir les voir. De toute façon, on est là toute la semaine. Donc, nous, on est le stand juste un petit peu plus loin de la radio. Donc, soit on vient vous voir là au stand, soit on vient vous venez nous voir à la radio, puis on discutera du. Hein, voilà, on va un petit peu animer, se faire connaître. Donc, Enzo, toi, tu travailles dans cette société, tu es employé, tu es patron. Non, je suis patron. Ça fait patron. Excusez-moi. Employé, ça fait déjà 3 ans. D'accord. Et c'est une société familiale, bien sûr. Je travaille avec le tonton, le papa, mais qui n'est pas là. Voilà, c'est ce que je voulais te poser comme question, mais tu as répondu. Donc c'est familial, parce que pour se lancer dans le nougat, des jeunes comme toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 18 ans. Ouais, en compte, 18 ans, se lancer dans le nougat, faut aimer ça. Hein. Pourtant, t'as encore le. Ah, t'es svelte, t'as encore le côté. Ouais, voilà. on essaye en tout cas, pour l'instant. Ok, et eh ben écoute. On va se revoir dans la semaine. Au plaisir, en tout cas. Tu avais pas laissé quelque chose au stand tout à l'heure? Non. Je vois que tu l'as pas oublié. Toi, je viendrai te voir après. Moi, je vois que t'es svelte, mais je viendrai te voir après, t'inquiète pas. Voilà. Eh ben, écoute, je vais retourner, je vais reprendre le micro. Au plaisir, en tout cas. Et puis, je te dis à tout à l'heure. On se verra prochainement. Enzo, je te remercie. Ben voilà, on va se rapprocher du stand, on va remercier Annabella. Il est pas loin de 17h. On va pas tarder à changer de PC pour envoyer un petit peu de musique sur le stand radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans. Voilà, et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, venir nous voir ici au stand en direct pour voir un petit peu les manifestations qui seront organisées par l'association Arc-en-Ciel. Pour une première fois, donc, Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous supporter, devenir adhérent. Hein, vous pouvez adhérer. Vous pouvez aussi devenir animateur, animatrice, comme moi-même. Hein, j'ai commencé il y a à Arc-en-Ciel au mois de novembre. Voilà, j'ai une émission qui s'appelle Didier & Co le jeudi entre 14 et 17 heures. 300, 500 personnes. Voilà, parce qu'on n'est pas une grosse. Voilà, et tu passes dans le micro, hein, tu passes bien, hein, Annabella, hein. Tu passes en direct. Hein. Voilà. voilà, bah, devenez sponsor aussi si vous voulez venir nous aider à faire vivre bah, l'association, parce qu'on est en milieu associatif au niveau de d'Arc-en-Ciel. Vous pouvez devenir sponsor. D'ailleurs, vous pouvez nous voir et revenir à faire l'aventure avec nous au festival Santos Populares le 20 et le 21 juin. Ça va, j'arrive à presque parler bientôt portugais. Voilà, c'est au parc de Lignorol pendant la fête de la musique au Solstice d'été, le 20 et le 21 juin 2026. Alors moi, c'est dommage, je ne serai pas là. Je serai un petit peu plus sur l'ouest en vacances. Mais bon, je serai avec eux de tout cœur. Puis il y a le bal des années 80-90, le 25 avril 2026. Voilà, ben, je vais repasser dès qu'elle aura terminé ce qu'elle a au téléphone. Dès qu'elle aura terminé son côté téléphone. Je repasserai la pastille, je vais meubler un petit peu. Et on a en direct, on a hypnose avec 3 Z. Ils sont là, ils sont en. Non, je ramène. Ils sont en plein travail. Voilà. Ouais, mais c'est la première fois. Bon. On sera en plein travail, n'est-ce pas? Et notre ami Laurent est en train de faire une séance d'hypnose. Je vous en prie, madame. Voilà, donc nous, si vous voulez nous voir, eh ben, on est juste aux côtés de l'entrée et de la sortie de la visite sur la ville, bah, sur la ville de Lisbonne, je crois. Du moins du Portugal, là. Et on est donc dès 26. Voilà. Eh bien, écoutez, je renvoie et en avant la musique. Hein. Arc-en-ciel, la radio 100% différente, 100% différente pour votre plaisir. C'est absolument Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. Délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, la vodka alcool est dangereuse pour vous. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à ses mois. Téléphone 02 38 22 12 22. Arc-en-ciel. Codias Voyage organise un voyage à Lourdes en mai. Départ de Gien le jeudi 7 mai à 19h, puis départ du théâtre d'Orléans vers 20h30. Vous arriverez à Lourdes le vendredi 8 mai vers 8h du matin. Le retour se fera le dimanche 10 mai après le petit déjeuner. Vous arriverez au théâtre d'Orléans vers 17h30, puis à Gien vers 19h. Le prix est de 280 € par personne hors boisson. Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 02 38 38 16 64 ou 06 33 01 83 00 ou bien au 07 81 76 59 64. Ouais, mais je vais te passer RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 60. 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Devenez acteur du Festival des Saints Populaires 2026. Radio Arc-en-Ciel lance officiellement les inscriptions pour l'édition des 20 et 21 juin 2026. Vous souhaitez booster votre visibilité? Rejoignez l'aventure. Exposants, réservez votre stand. Alimentaire, artisanat, culture, mode, automobile, moto, vélo, décoration, association, jouets. Attention, hors boisson. En lien avec le Portugal professionnel. Locaux provenant du Portugal. Entreprise, passez en mode VIP, privatisé, un carré VIP. Un espace exclusif dédié à votre entreprise pour recevoir vos collaborateurs et clients au cœur des festivités. Devenez partenaire ou sponsor. Bénéficiez d'une visibilité exceptionnelle avec des milliers de vues sur nos réseaux sociaux. Des interviews en direct et une présence forte sur le parc du festival. Inscription et info arc-en-ciel.iota@gmail.com 02 38 43 50 09. Du 20 au 29 mars, la Foire d'Orléans vous ouvre ses portes au Parc des Expositions. Cette année, cap sur le Portugal. Une exposition immersive, des animations inédites, des ateliers culinaires, de la céramique, des groupes folkloriques. Venez flâner, goûter, découvrir, échanger avec de nombreux exposants et partager un moment festif en famille ou entre amis. La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comète, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Eh bien voilà, on est toujours donc en direct de la Foire Expo Orléans, donc Foire Expo 2026 sur le Portugal bien sûr, avec comme invité par Radio Arc-en-Ciel, juste à côté stand de D26. On est juste à côté de l'entrée de l'exposition du Portugal. On a avec nous donc Hypnotise qui est là en démonstration d'hypnose avec une préparation du monsieur qui va être hypnotisé, qui va se retrouver assis dans quelques instants. Et entre-temps, on est en train de préparer le changement de programme. Voilà, on a Annabella et Jess qui vont nous quitter et elles vont me laisser tout seul à la radio. Mais bon, voilà, on va faire en sorte de rester... de rester bien sage, voilà, simplement le temps de changer les PC, mettre un petit peu de musique, et puis tout simplement de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire mettre un petit peu de musique. Voilà, je vais juste laisser Annabella le temps que je termine de lancer la musique dès qu'elle veut. Et puis c'est parti pour nous, pour un petit 2 heures de musique différente, de musique quand même. Allez, en avant la musique. Elle veut pas partir. C'est la technique. Alors, ce que je vais faire... Tu peux pas relancer de musique entre-temps. Et là, c'est pas évident. On est en direct et c'est la première fois donc on change de PC comme ça en live. Donc on va prendre son temps, on va pas s'énerver. C'est le plaisir de la radio. On va relancer 2 fois la machine. Il suffit que la machine ne soit pas bien en place. on va prendre la première. On va voir si c'est parti. Et c'est parti, musique. Et ben ça part pas. Alors, on va faire quelque chose. Je vais être obligé de. Ouais, on va essayer de ne pas rester sans musique. Il va falloir qu'on mette une clé, quelque chose. Voilà. C'est les problèmes du direct. Est-ce qu'on va pouvoir voir ça? Vous savez, c'est les inconvénients du direct. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Quand on est en studio, tout est prêt. Là, on saute d'un PC à un autre. On n'a pas les mêmes logiciels. On ne travaille pas de la même manière. Donc, c'est évident. Et puis, en même temps, le temps que ça lance. Voilà. Alors, juste. Voilà, on est en train de se reloguer au niveau du deuxième PC. C'est rien que le fait de changer de log. Voilà. C'est la problématique du câblage internet direct. Ah ben c'est toujours Didier, donc à la Forest Pro, ne vous inquiétez pas, d'ici dimanche prochain, nous serons au point, n'est-ce pas, Annabella? Oui, tout à fait. Voilà, on va y arriver. Là, on a un câble qui est prêt. Voilà, ben maintenant, il y a de la musique. Eu começando o tonto e você na vete. A sua camisa diz a minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso carro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha. Nós dois tocando galo, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer arraial. Este malhão é português, depois de o dançar em querem dançar outra vez. Todas as festas têm de ter um malhão. E mal se ouve um tamborzinho, tudo bate o pé no chão. Três passinhos para o lado, toda a gente sabe dar. É a dança deste povo que todos sabem dançar. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão manhã é português. Depois de o dançar e querem dançar outra vez. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançar e querem dançar outra vez. O nosso país é grande e tem muita tradição, mas para mim a mais bonita é a de dançar o malhão. Basta ouvir a concertina mais bonita do Minho, que nunca ninguém resiste a bater o seu pezinho. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançar e querem dançar outra vez. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançar e querem dançar outra vez. Queres aprender a esta moda dançar? Basta sentires a batida e já podes começar. É a moda mais linda, como ela não há igual. É que toda a gente dança no norte de Portugal. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançar e querem dançar outra vez. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançar e querem dançar outra vez. Este malhão é de Portugal, toda a gente dança em qualquer real. Este malhão é português, depois de o dançar e querem dançar outra vez. A minha vizinha tem um lindo bacalhau, parece jornal, mas cheira tão bem. A minha vizinha tem um lindo bacalhau, ai que rico, mas não é de ninguém. A minha vizinha tem um lindo bacalhau, parece jornal, mas cheira tão bem. A minha vizinha tem um lindo bacalhau, ai que rico, mas não é de ninguém. Bah voilà, on est à Venise, moi je n'étais pas parti, vous inquiétez pas, on est en train de voir côté technique de se mettre un petit peu au point, de voir tout ce qui fonctionne ou pas. Et tout ce qui fonctionne, parce qu'avec un néophyte comme moi et une secrétaire qui doit partir aussi, bah écoutez, on fait avec les moyens du bord, on s'arrange, et puis bon, il y a les petits inconvénients de l'informatique, mais c'est l'autre côté, voilà, USB1, USB2, et puis bah, on va voir si la musique fonctionne de mon côté, parce qu'on a changé de PC, il a fallu changer de logiciel, tout ça, donc on va voir, vas-y, bah, on va faire. On va faire partir, peu importe, un morceau de musique. Voilà. Non. Et ça ne veut pas partir. Non. On n'a toujours pas de musique de notre côté. Voilà, sur le PC. Alors, ce que je vais faire, je vais. Ah oui. Et si... ben, je peux toujours garder la pastille. Je vais éteindre l'ordinateur. Voilà. Hop. On va couper l'ordinateur. Ah, les joies de plaisir du numérique. J'ai l'impression que t'es en mode haut-parleur de truc et tu connais pas le haut-parleur. Oui, c'est pas faux. Je suis sur le haut-parleur du PC. Voilà. Arrêtez quand même. On est toujours là. Bernabella, tu veux nous chanter une chanson peut-être en portugais? Non, il fait beau dehors, donc on va essayer de garder le temps, mais sinon on va demander, il y a quelqu'un à la station, à la radio là-bas? Peut-être Jessica. Tu veux chanter peut-être, Jussie, pour tes débuts à la radio? Tu veux te tester? Mais écoute, tu sais ce que tu vas faire pendant qu'on regarde? Tu vas te présenter un petit peu, et tu vas venir de l'autre côté, je vais te passer le micro par là, et puis voilà, tu vas te présenter, puis tu vas, comme tu vas remplacer Annabella qui nous quitte, voilà, comme ça, ça va te faire passer, tu vas faire tes premières armes à la radio au micro. Alors, sache, Jess, que tu es en direct, hein, et que tu passes sur toute la région centre, enfin, tout Orléans, aux alentours d'Orléans, et ceux qui sont sur le net, ils t'entendent au Japon, au Brésil et un petit peu partout. Allez, ben je te laisse la pastille. À toi le micro. Merci Didier. Alors bonjour à tous, moi c'est Jessie. Voilà, donc nouvelle à la radio, je regarde un peu tout ce qui se passe aujourd'hui. On est présent à la foire d'Orléans, foire d'expo, voilà, basée sur le Portugal. Donc on est en invité d'honneur, hein, le Portugal. Et voilà, donc on est placé juste à côté de l'entrée de l'expo. Voilà, donc on est là pour vous accueillir. On fait des animations. On a bien évidemment nos petits flyers pour les événements. Pour les événements, donc voilà, donc la soirée années 80-90, le 25 avril dès 19h, voilà, avec nous. Et puis on a la fête au Saint-Pouplache du 21 au 21 juin 2026, où on peut se rejoindre tous ensemble. Et voilà, donc voilà, tout ça, n'hésitez pas à venir nous voir pour l'animation, on serait ravis de vous en dire plus. Tu peux nous le dire en portugais ce que tu viens de dire, non? Voilà, alors, et voilà, donc du coup, on a Didier qui essaye de nous remettre la musique. Petit problème technique. Non, tu veux pas nous chanter une chanson, hein? Voilà, donc voilà, n'hésitez pas, 25 avril à partir de 19h et le 20-21 juin 2026, tout se passe sur Fleury-les-Aubrais. On serait heureux de vous accueillir dès 19h le 25 avril à la passerelle, au boulevard de Lamballe. Voilà, pour la soirée années 80-90. Pour passer une excellente soirée tous ensemble. Voilà, donc toujours le petit problème technique, on essaye de remettre la musique. C'est en cours. Voilà. Hop. Voilà, donc toujours à l'exposition d'Orléans, à la Foire Expo. On est situé à l'entrée de la Foire Expo. Alors n'hésitez pas à passer nous voir. On serait ravis d'en discuter avec vous. Et parler de nos événements, de la radio. Voilà, et ben les problèmes techniques font qu'on va être obligé de baisser les bras, enfin de baisser les bras momentanément, hein, techniquement. On va simplement faire basculer la radio sur un autre programme, mais on va essayer de voir le problème un petit peu plus en profondeur ici, pour pas que ceci puisse se reproduire. On n'avait pas fait de test avant, donc on peut pas trop savoir comment ça fonctionne, mais vous inquiétez pas. Ça va aller. Tu veux vraiment rien nous dire en portugais? Tu veux que ce soit moi qui parle portugais? Eh ben, ça va être très dur, hein. Voilà, ben, je viens de te présenter quand même en portugais. Je sais que tu parles le portugais. Il y a plein de portugais qui t'écoutent. Allez, viens faire honneur à ton pays, là, un petit peu quand même. Bon dia a todos. Somos presentes agora na Foire Expo de Orléans. E sou nova aqui, vemos muitas coisas hoje e vamos organizar as festas e assim, vocês podem vir ao stand. Obrigada a todos. Et je vous repasse Didier. Voilà, et ben là on est toujours donc on essaye par téléphone d'avoir un petit peu de problème. Ben là on a que vous étiez peut-être pas en début branché sur la radio. On a avec nous donc Hypnotize, Laurent et Michel qui est toujours là, qui est pas parti. On a Laurent qui va représenter un petit peu son association et dire ce qu'il va. Tu t'en vas aussi? Dans pas longtemps. Ouais, voilà, mais ça met simplement le temps que notre technicien reprenne le manche depuis. Voilà. Là on a un gros problème de pilotage radio. Mais ceci n'est pas grave, on va bien y arriver. Ben Laurent, je te laisse te représenter. Eh bien écoutez, moi c'est Laurent de Hypnotize. Eh bien on était là aujourd'hui. Nous serons là jeudi, vendredi, samedi, les après-midi, là pour vous faire découvrir l'hypnose sur le stand de Radio Arc-en-Ciel 96.2 à Orléans. Eh bien c'est une entrée gratuite et puis ben, c'est de l'hypnose gratuite. Faut en profiter, c'est le bon moment, il n'y a pas jamais de mauvais moment. On pourra discuter, si vous avez juste envie de discuter de l'hypnose, on pourra vous faire tester les tests de réceptivité si vous ne savez pas si vous êtes réceptif. Allez, je vous donne un petit indice, tout le monde est réceptif. Mais on pourra quand même faire des petits tests pour voir à quel niveau de réceptivité vous êtes. Et puis, si vous avez envie, on pourra aller un petit peu plus loin, découvrir des petits jeux dédiés à l'hypnose et puis bah, savoir ce que ça fait. C'est toujours mieux d'avoir testé soi-même plutôt que d'avoir écouté par Facebook ou juste les bouquins, la télé. Eh bien, le tester soi-même, c'est quand même ce qu'il y a de beaucoup plus parlant. Et puis là, au moins, vous pourrez dire, moi, je l'ai fait, j'ai testé, je peux vous en parler. Donc, eh bien, écoute, Didier, je pense que je vais te redonner le flambeau. Et puis ben, je vais te laisser travailler quand même. Ben, on est là pour ça. Voilà, ben, j'en profite pour te faire un petit peu une présentation. Là, c'est vrai qu'il est voilà, il est 17h10, mais je peux vous dire quand même c'est un petit peu tristouné. Hein. Il y a pas vraiment de monde dans les allées, donc on fait ce qu'on peut. Voilà, donc comme le présentait tout à l'heure Jessica, Arc-en-Ciel il recherche aussi des sponsors, donc vous pouvez rejoindre l'aventure, ne serait-ce que pour le festival Santos Populares, le 20 et le 21 juin, donc solstice d'été, ça sera à Lirolles, Fleury-Aubray, c'est plus qu'un sponsor, devenez directement un acteur clé de l'événement. Visibilité auprès de milliers de visiteurs, l'image festive et dynamique, partenariat local très fort. Vous pouvez appeler le 02 38 43 50 09 arc-en-ciel.yota@gmail.com et nous nous situons au 266 rue de Bourgueux du Faubourg Bagné, 45 000 Orléans. Alors, ça, c'était un premier prospectus. Je ne fais pas de tête, un joli. Hein. Le 25 avril et le 26 avril à 19h, nous aurons les années 80-90. Oh là là, caliente, ça va chauffer. Arc-en-ciel. Alors, je. Voilà, et bien écoutez, on va vous laisser. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. Didier. Annabella en direct d'Arc-en-Ciel, la foire expo. À très bientôt et on va avoir le technicien qui va reprendre le flambeau. Allez, bonne soirée et puis dès demain, on se retrouve sur la foire expo.